Avec sa tragédie de Britannicus, Jean Racine nous avait fait remonter aux sources de l'histoire de la Rome impériale. Avec sa tragédie de Phèdre, il nous replonge dans les légendes de la Grèce antique, comme il l'avait fait 10 ans plus tôt avec sa tragédie d'Andromaque. La tragédie de Phèdre se déroule au nord-est du Péloponnèse, dans le port de Trézène. Hippolyte, fille d'une Amazone, et de Thésée, roi d'Athènes, lui-même fils et successeur d'Égée, a décidé de partir à la recherche de Thésée, disparu depuis 6 mois. En fait, il fuit non seulement sa belle-mère, Phèdre, fille du roi de Crète Minos, et de Pasiphaé, la mère du Minotaure, mais il fuit aussi la jeune Arisie, princesse déchue de sang royal athénien, que des raisons politiques lui interdisent d'aimer, ses 50 frères ayant comploté contre Thésée pour lui ravir le trône d'Athènes. Minée par un mal mystérieux, la reine Phèdre, décidée à mourir, avoue à Œnone, son ancienne nourrice, devenue sa confidente, l'origine de son mal.